En 2013, Elon Musk, le patron de Tesla, publiait un livre blanc qui ouvrait le champ à l'élaboration d'un train à suspension magnétique dans un cylindre sous vide. L'Hyperloop. Plusieurs startups se sont engouffrées dans la brèche pour tâcher de franchir les défis conceptuels et technologiques que représente ce train d'un nouveau genre pouvant atteindre la vitesse théorique de 1200 km/h et qui a pour promesse de réduire la croissance continue du trafic aérien en proposant une alternative décarbonée. 6 ans après, l'Hyperloop est encore en chantier. Est-il vraiment le train du futur ou un autre gadget ban, un projet irréaliste destiné à ne jamais voir le jour. Hyperloop, le tube du futur, c'est le programme à très grande vitesse qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'avancée donc des recherches sur cette Hyperloop et les obstacles qui restent encore à franchir, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui depuis Toronto avec Sébastien Gendron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de la société Transpod, qui est l'une des sociétés, des startups qui travaillent donc sur cette Hyperloop. Et nous sommes ici en studio à la Maison de la Radio à Paris avec Hervé de Tréglaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur général des mines honoraires et ex-directeur général adjoint du réseau ferré de France. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en complément via notre site, notre fil, pardon, Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, l'Hyperloop a été lancé donc officiellement avec beaucoup de guillemets, vous comprendrez pourquoi dans un instant, en 2013, par le livre blanc d'Elon Musk. On verra qu'il y avait déjà de nombreux travaux préliminaires à cette annonce avant cela. Nous sommes donc aujourd'hui 6 ans après cette annonce d'Elon Musk. Les esprits chagrins diront bien qu'en 6 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Écoutez plutôt cette archive qui parle d'un autre bond substantiel en matière de technologie ferroviaire. Nous sommes le 22 septembre 1981. Le défi du TGV à partir d'aujourd'hui avec le train à grande vitesse commence une ère nouvelle pour les chemins de fer. C'est le train de l'an 2000 qui a déjà parcouru 2 millions de kilomètres pour des essais qui ont duré 15 ans. Une tête d'avion et un profil de chenille. Il reliera Paris à Lyon en 2h40 et cela vous coûtera, si vous l'utilisez, 159 francs en deuxième classe. Mais attention, la ligne ne sera ouverte aux voyageurs que dimanche prochain. C'est une date, en tout cas, dans l'histoire du rail, presque aussi importante que l'arrivée de la machine à vapeur. Le TGV a bénéficié de tous les bienfaits de la technologie aérienne. Un exemple, le TGV a des vitres aussi résistantes que Concorde. Écoutez Paul Gentil, la SNCF, au micro de Jean-Paul Bonamy. Son profil a été choisi par des calculs très poussés sur ordinateur et ensuite par des essais en soufflerie. C'est le même principe que pour l'aviation. Dans la cabine, il y a d'abord sa forme avancée, qui est un élément de sécurité. Il y a également le verre, qui est un verre particulièrement résistant, puisqu'il doit résister à des chocs beaucoup plus importants que pour un train ordinaire, compte tenu de l'effet vitesse. Et pour ça, nous nous sommes servis de tout ce qui peut se faire, notamment en aéronautique, en matière de verrerie. Du fait, évidemment, que sur ces voies sont appelés à circuler des trains qui se croisent à très grande vitesse, nous avons été amenés à les écarter un peu l'une de l'autre, quelques dizaines de centimètres de plus. Mais l'expérience nous a montré d'ailleurs que finalement des TGV se croisent très bien avec l'écartement normal, précisément à cause de cette aérodynamisme dont nous parlions tout à l'heure. Il s'insère tellement bien dans l'air que finalement l'effet de choc sur le TGV voisin est extrêmement faible. Voilà cette archive d'interactualité le 22 septembre 1981 sur les premiers pas, ou en tout cas les premiers kilomètres du TGV. C'était Paul Gentil, l'ex-directeur général de la SNCF. Des réactions à cette archive que vous venez d'entendre, Sébastien Gendron? C'est très intéressant, merci de partager ça avec nous. C'est très intéressant dans le sens où on reprend un petit peu des thématiques similaires aujourd'hui avec ce que l'on développe, où effectivement on reprend énormément de technologies de l'aéronautique, et voire peut-être beaucoup plus que le TGV à l'époque. Ouais. Hervé de Tréglaudet, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre à cette archive? Non, c'était clair, c'est vrai qu'en 1981, le TGV était tout à fait révolutionnaire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore progressé après 1981, donc sa vitesse commerciale est devenue plus importante, puisque maintenant on va jusqu'à 320 km/h, mais on est capable d'aller au-delà, et puis il a fait preuve un peu de son succès sur le plan commercial, sur le plan technique. Ce qui est intéressant dans cette archive, c'est qu'on on entend beaucoup de choses qu'on pourrait presque appliquer aujourd'hui aux recherches sur l'hyperloop. On entend notamment l'inspiration, le lien en tout cas avec l'aérospatial, l'effort de recherche qui a été déployé. Vous trouvez des parallèles ou est-ce que c'est des parallèles un peu tirés par les cheveux à votre avis, Sébastien Gendron? Quand on s'est lancé nous dans l'aventure à développer donc ce nouveau mode de transport, c'était vraiment voilà de passer sur la prochaine génération de transport à très grande vitesse. Et c'est pour redonner en fait dire quelques mots sur le concept, c'est de mettre en fait des capsules dans un tube où le concept de base en fait c'est de s'affranchir, c'est de regarder comment on peut s'affranchir des frottements aérodynamiques. Et du coup l'idée principale c'est d'enlever une grande partie de l'air. Et du coup rien qu'en faisant ça, on se retrouve dans un environnement donc comme si on volait en fait à 50 km d'altitude. Et du coup ça demande à avoir une structure au niveau du véhicule qui soit similaire à celle d'un avion, avec des cabines pressurisées pour que les passagers puissent respirer, etc. Donc effectivement, voilà, l'analogie est d'autant plus vraie aujourd'hui, quoi. L'analogie sur la recherche fondamentale peut-être s'appliquer. En tout cas, s'il y a bien quelque chose, Hervé Tréglaudet, de radicalement différent entre ce qu'a pu être le projet de TGV et ce qu'est aujourd'hui le projet d'Hyperloop, c'est que le projet de TGV était un projet soutenu, financé, accompagné par l'État. Aujourd'hui, l'Hyperloop est un projet totalement privé qui est dispatché entre différentes petites startups. Ça n'est pas du tout le même modèle de développement. Non, c'est pas du tout le même modèle de développement, mais c'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, c'est la technologie d'abord. Avant de même parler d'économie, car nous sommes, et Sébastien Gendron a raison, nous sommes vraiment à la recherche d'une rupture, parce que c'est fondamentalement différent de vouloir rouler, de voir circuler à 300 ou même 400 ou même 500, comme le maglev dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, bien sûr, et rouler à plus de 1000 km/h, ce qui oblige à faire le vide, ce qui oblige à utiliser des techniques extrêmement pointues. Là, il y a une véritable rupture, c'est là où le changement est fondamental. C'est Sébastien Gendron aujourd'hui, donc vous êtes cofondateur de l'une des sociétés qui travaille donc sur cette Hyperloop. Il y en a deux autres. Votre société c'est Transport, Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technology, HTT. Où en sont grosso modo vos recherches? Est-ce que c'est une concurrence? J'imagine que la concurrence est relativement rude. Aujourd'hui vous avez développé certaines pistes d'essai. Où on en est 6 ans après? Alors, nous déjà, on a commencé en 2015. Après, je vais être honnête avec vous, on en est encore au début. On a souhaité, nous, se démarquer dès le début en affichant un calendrier qui soit un petit peu plus réaliste que de promettre aux gens qu'on allait avoir une ligne en 2020. On était conscients, et le fait d'avoir travaillé avant même chez Airbus et Bombardier, je connais un petit peu les délais pour développer ce type de système. Et nous, on vise en fait une commercialisation et à la fois une certification à horizon 2025 et une première ligne à horizon 2030. Après, l'avantage que l'on a, c'est qu'on n'est pas en train de concevoir le prochain Airbus A380. On est sur le développement d'un système qui, d'un véhicule en fait, qui fait la taille d'un bus ou d'un wagon de train. Donc on est sur un premier véhicule qui fait 25 mètres de long. Donc au niveau de la conception, voilà, on est déjà rien que par rapport à la taille, on n'est pas sur des véhicules monstrueux. Et indépendamment de ça, voilà, on est sur un calendrier où, en termes de développement, on vise des premiers prototypes à horizon entre 2023 et 2025. Voilà. Il y a d'autres prototypes, hein, ou en tout cas des compagnies concurrentes qui promettent des prototypes à plus courte échéance aujourd'hui. Peut-être qu'il faut rappeler, Hervé de Tréglaudet, que ce train à sustentation magnétique, et non pas suspension comme j'ai dit tout à l'heure par erreur, ce train à sustentation magnétique, Hyperloop, ça n'est pas le début. Il y a d'autres projets qui sont des projets qui viennent avant ce livre blanc d'Elon Musk et qui ont déjà posé les bases de la recherche ou en tout cas des obstacles technologiques qui se présentent encore aujourd'hui. Oui, la sustentation électromagnétique, c'est pas une technologie tout à fait nouvelle puisqu'elle est étudiée depuis même très très très très longtemps. De même la circulation, de même le moteur linéaire synchrone pour faire fonctionner le tout, c'est étudié depuis longtemps, mais dans des conditions qui sont pas aussi extraordinaires que ce qui est envisagé pour Hyperloop, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure à des vitesses de 500 km/h ou 600 km/h. Technologiquement, la preuve a été faite par les Allemands et par les Japonais en particulier que c'était possible. Bon, simplement les projets n'ont pas débouché vraiment à grande échelle sur le plan commercial, mais pour d'autres raisons, pas pour des raisons purement de sécurité ou de technologie, mais plutôt des raisons économiques. Et il n'y a qu'une ligne pour l'instant en exploitation commerciale, c'est la ligne qui dessert sur 35 km seulement, hein, l'aéroport de Pudong à Shanghai. Et puis les Japonais, eux, poursuivent la même démarche avec un projet très très ambitieux qui devrait permettre de faire circuler à toujours à ces vitesses-là, c'est-à-dire 500-600 km/h. Donc c'est une technique qui est utilisée, mais pour l'utiliser dans le cadre qui est fixé, qui est envisagé par les sociétés Hyperloop, ça supposera des adaptations qui sont encore confidentielles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont publiées, mais qui résulteront de l'extrême spécificité des circulations, avec des problèmes de sécurité qui sont extrêmement difficiles à résoudre. On peut rappeler qu'aujourd'hui, le record de vitesse justement ferroviaire est détenu par la technologie Maglev au Japon, hein, on atteint 603 km/h. Un petit peu au-dessus du TGV, c'est pas ça qui est très important, c'est vrai qu'on est un peu au-delà. C'est vrai que le chemin de fer, lui, il est capable de circuler, on le voit bien, à 400 ou plus kilomètres à l'heure. Pour l'instant, il est limité à 320 en France, je le rappelle, mais c'est surtout pour des raisons d'équilibre économique. Mais il y a une dizaine d'années, il y avait eu un débat assez vif, par l'intermédiaire notamment de la presse, pour savoir s'il fallait aller au-delà. Et on a estimé pour le moment que cette vitesse-là était un bon optimum. Sébastien Gendron, aujourd'hui, quelles sont les principales différences entre justement ce projet Hyperloop et ce qui se passe et la technologie qui existe, la technologie Maglev que Hervé de Tréglaudet évoquait à l'instant? On a l'impression que cette technologie-là, ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux, pour son mauvais jeu de mots, ça m'est venu tout seul. On pense au Swiss Metro par exemple, qui est un serpent de mer qui n'a jamais vu le jour. Enfin, il y a eu aussi le Maglev version allemande. Alors il y a eu cet accident en 2006 qui a fait 23 morts et qui a un peu mis un coup d'arrêt à ce projet. Qu'est-ce qui fait que l'Hyperloop pourrait avoir un succès ou en tout cas des débouchés bien plus prometteurs que ce qui est aujourd'hui le cas pour ce type de technologie similaire? Alors notre stratégie, déjà on a été assez prudent par rapport au livre blanc d'Elon Musk. Il y a pas mal. Déjà, c'est un document conceptuel. Faut pas prendre ça comme à un moment ils ont dit oui, il faut le livre est libre d'utilisation, etc. Mais c'est pas des spécifications engineering, loin de là. Ça présente juste des grandes idées. Il y avait quelques erreurs dedans et on a justement fait très attention et on a regardé qu'est-ce qui empêchait en fait aujourd'hui des technologies Maglev de se développer d'un point de vue économique et par rapport à des trains à grande vitesse. Et c'est clairement aujourd'hui le coût au kilomètre, le coût opérationnel, etc., qui est exorbitant. M. Tréglaudet l'a dit lui-même, il n'y a qu'une seule ligne commerciale aujourd'hui à Shanghai, et il y a même des rumeurs qui parlent que la ligne pourrait être arrêtée parce que les coûts de maintenance sont trop importants. Donc on a vraiment fait attention et pour pouvoir en fait permettre d'avoir des... Donc tout le monde en fait aujourd'hui dans les différentes sociétés développe des technologies magnétiques, mais le gros point, la grosse différence, c'est d'éviter, en fait, c'est de garantir un coût au kilomètre le moins cher possible, et ce qui en fait se traduit par une infrastructure la plus simple possible. Et dès que vous installez en fait un système de type Maglev avec des électroaimants sur le long de la voie, sur des centaines de kilomètres, tout de suite les coûts explosent. Donc de notre côté, on a regardé vraiment ça de façon côté physique, quoi, comment ce système-là pouvait fonctionner, et on s'est concentré en fait à s'assurer que l'ensemble de la technologie en fait qui permet la lévitation, la propulsion et la transmission de puissance soit concentrée sur le véhicule et non sur l'infrastructure. Donc on a développé en fait des propriétés, une suite de brevets qui nous permet de garantir ça, et derrière de garantir en fait un business model ou un modèle économique qui soit le plus pertinent possible et d'assurer des débouchés demain. Donc en fait c'est de fournir quand on s'est lancé, quatre aspects qu'il fallait s'assurer dans le développement. C'est à la fois, il y a la vitesse, c'est sûr, faut que ce soit moins cher, Il faut que ce soit durable, c'est-à-dire respectueux de l'environnement, et il faut que ce soit plus facile d'utilisation que ce qu'on a aujourd'hui. Si on ne regroupe pas ces quatre critères-là aujourd'hui dans le développement, autant utiliser ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit la voiture, l'avion ou le train. Voilà, donc on est dans cette démarche-là, et aujourd'hui, ouais, ça marche plutôt pas mal. On a pas mal d'intérêts, notamment des industriels sur ce sujet-là. On va examiner ces différents points que vous soulevez, parce qu'effectivement, ce sont les points de comparaison qui fait que cette technologie pourra un jour voir ou en passer à l'échelle industrielle et pas juste et sortir de ce carcan de la recherche dans lequel elle est enfermée depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années. Puisque vous évoquez, Sébastien Gendron, le coût au kilomètre, dans le livre blanc d'Elon Musk, l'un des arguments est un argument une force de frappe assez puissante, c'est de dire que précisément le développement du kilomètre de ligne Hyperloop est inférieur au développement du kilomètre de ligne TGV. Hein. Les chiffres qu'il évoquait sont 20 millions par kilomètre pour le TGV et 11,5 millions le mile, donc même le kilomètre et demi pour Hyperloop. Ces chiffres-là, ils sont complètement obsolètes. En partie, ils étaient basés sur des hypothèses d'un tube, enfin de véhicules beaucoup plus petits, d'un tube dont le diamètre est également, voilà, du coup, beaucoup plus faible, ce qui lui permettait de garantir des coûts au kilomètre moins élevés. Mais derrière, il y a un compromis à avoir avec la capacité complète du système, quoi. Et ce système, avec des tubes plus petits, des véhicules plus petits, ben vous transportez moins de gens. Et si vous voulez garantir une certaine distance de sécurité entre les deux véhicules, ben ça vous limite de façon assez contraignante la capacité et du coup la rentabilité du système, quoi. Donc c'est bien beau d'annoncer 10 millions du kilomètre, mais si derrière vous n'avez pas suffisamment de passagers pour le rentabiliser, autant payer un petit peu plus cher et avoir un petit peu plus de passagers. Donc aujourd'hui, voilà, le coût kilomètre entre les différentes sociétés varie, de 20 millions du kilomètre jusqu'à 40 ou 60 millions du kilomètre, dépendamment de la technologie qui est utilisée. Si on utilise des technologies maglev, on est plus près de 60, voire plus. Et ensuite, voilà, si on veut s'en affranchir, on est plus proche de 20. Donc nous, de notre côté, on essaie d'être prudent par rapport à ça et on est sur des coûts similaires à celles d'une ligne à grande vitesse. Et on discutera tout à l'heure des questions liées effectivement au développement de l'hyper grande vitesse, de l'hyperloop et de la façon dont le modèle économique de ces nouvelles lignes peut s'insérer dans un réseau de transport déjà existant et comment il peut être compétitif ou non. On en parlera dans la dernière partie de cette émission, mais tout de suite on va s'intéresser d'abord aux aspects technologiques. La méthode scientifique, Nicolas Martin. En matière de voyageurs, le chemin de fer est seul à pouvoir faire face intégralement aux énormes pointes journalières des transports de banlieue ou aux pointes saisonnières des départs massifs en vacances pour l'été et les sports d'hiver. Par sa puissance et sa régularité, il reste ainsi l'épine dorsale des transports terrestres, à telle enseigne que l'une des plus grandes catastrophes qui puisse frapper la vie d'une nation moderne, c'est une paralysie de longue durée de ses chemins de fer. La traction électrique permet de transporter à 140 à l'heure dans chaque train un millier de personnes qui peuvent consacrer la durée du parcours à se reposer, à se restaurer ou à travailler. Les virtualités du chemin de fer d'aujourd'hui et plus encore de celui de demain sont ainsi sans proportion avec celles des anciens trains vapeur du 19e siècle. C'est en quelque sorte un moyen de transport différent qui se substitue progressivement sous nos yeux à l'ancien chemin de fer, en nous apportant des possibilités considérablement accrues dans l'ordre de la puissance, de la vitesse, de la régularité, et cela tout en restant dans le cadre de ces anciennes emprises, c'est-à-dire sans mordre sur le sol français pour la construction de nouvelles voies de communication. Voilà, le train dans l'avenir, c'est un extrait de l'émission à la Tribune du Progrès en 1956 sur la radiodiffusion française. On évoquait tout à l'heure le TGV, c'est aujourd'hui considéré comme la deuxième révolution ferroviaire. Là, c'était l'électrification, la première révolution ferroviaire. L'hyperloop sera-t-elle la troisième révolution ferroviaire? Nous en parlons avec Hervé de Tréglaudet et Sébastien Gendron. Peut-être un mot aujourd'hui, Hervé de Tréglaudet, j'évoquais dans l'introduction de cette émission la notion de gadget ban. Gadget ban, c'est de l'allemand pour dire ces lignes-là, on en a promis un certain nombre, elles ont surgi à plusieurs moments de l'histoire ferroviaire en disant on va trouver finalement ce train révolutionnaire et finalement ça reste du gadget parce que la technologie n'est pas au rendez-vous, les coûts d'exploitation restent trop élevés. Vous pensez-vous qu'il y a de l'espoir dans le développement d'Hyperloop ? Bon, c'est pas très facile à dire, puisque nous sommes, comme l'a dit Sébastien Chandron, il y a quand même des défis technologiques très très importants à dénouer. C'est vrai aussi qu'en 2013, quand Elon Musk a sorti son document sur Hyperloop Alpha, bon, la communauté des ingénieurs, on dira que ces ingénieurs un peu de la technique actuelle ou de la technique passée, ont été quelque peu surpris, pour ne pas dire choqués, par certaines affirmations ou certains espoirs qui paraissaient non justifiés. Bon, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des contraintes qui paraissaient vraiment excessivement sévères dans ce document sur Hyperloop Alpha ont été desserrées. Par exemple, ce qui vient d'être dit par Sébastien Gendroux, c'est-à-dire la taille du mobile. Bon, c'était un mobile très petit. On pouvait circuler à demi allongé, avec des accélérations qui pouvaient atteindre des documents 1G, c'est-à-dire extrêmement élevés. Donc tout ça ne pouvait qu'interpeller la communauté des ingénieurs. Bon, on voit là, petit à petit, que certaines des contraintes qui étaient déraisonnables sont desserrées, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire. Qu'en résultera-t-il? C'est encore difficile aujourd'hui de le dire, mais en tout cas, ça, je pense que ça vaut la peine d'être poursuivi, l'expérience d'être poursuivie. Alors, bien entendu, pour répondre à votre question aussi, la personnalité d'Elon Musk est extrêmement importante dans l'enthousiasme que ça a suscité un peu partout dans le monde, pas seulement dans le monde occidental, d'ailleurs même ailleurs, même en Chine, avec des idées qui ont été lancées, qui sont parfois totalement déraisonnables, mais bon, ça fait partie de l'enthousiasme. Sébastien Gendron, quels sont aujourd'hui concrètement, dans l'état actuel de nos connaissances, les principaux obstacles technologiques qui restent à franchir? Peut-être avant ça, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui le béaba, les briques principales technologiques du fonctionnement de l'Hyperloop, sur quelle technologie ça repose en fait? Alors, je vais vous parler essentiellement de celles que l'on développe. Par rapport aux contraintes technologiques, on va dire, on a passé les phases conceptuelles et les tests en laboratoire, et les résultats sont plutôt assez prometteurs. Voilà, on est plutôt assez confiant et optimiste même pour l'avenir par rapport à ce système-là. Les obstacles à lever, en fait, c'est déjà d'une part d'être capable de fournir suffisamment d'énergie à chaque véhicule en continu pour alimenter l'ensemble des systèmes, que ce soit les moteurs, que ce soit la pressurisation de cabine, etc. Tout en pouvant embarquer de l'essence, quoi. C'est un système qui fonctionne 100% à l'électrique. Et donc du coup, il y a deux innovations majeures sur lesquelles on a travaillé. C'est en fait un genre de pantographe, on va dire, donc pour transmettre l'énergie dans le véhicule. Donc c'est assez similaire à ce qu'on peut avoir au niveau de l'infrastructure, à ce qu'on peut avoir dans le métro. Dans le métro, on a des rails de puissance et on a ce qu'on appelle un sabot qui vient toucher ces rails-là pour transmettre l'énergie au niveau des rames. Nous, de notre côté, on est sur le même principe, sauf qu'on vient pas toucher avec un sabot, mais on vient en fait transmettre du courant par arc électrique. Il y a une des choses sur lesquelles on a planché. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'air à faible pression devient conducteur. Et ce que la SNCF cherche à éviter à tout prix entre les câbles en haut des trains à grande vitesse et les pantographes, les arcs électriques qui endommagent les pantographes, nous en fait on vient chercher cet aspect-là pour transmettre en fait suffisamment d'énergie dans le véhicule. Et on entendra tout à l'heure. On a eu la chance de pouvoir faire un reportage sur l'une de vos installations à Limoges qui explique particulièrement bien ce principe-là qu'on va entendre dans quelques minutes. Voilà, je le précise pour nos auditeurs. Voilà. Et du coup, ensuite, vous avez un véhicule en fait qui n'est ni plus ni moins un avion sans ailes, donc une structure, un fuselage très similaire à ce que fait Airbus ou Boeing aujourd'hui pour intégrer les cycles de pressurisation et de dépressurisation. Une cabine qui est pressurisée. Aujourd'hui, on travaille avec notamment Liebherr Aéronautique, qui est basée à Toulouse et qui fournit l'ensemble des systèmes pour Airbus et Boeing pour les systèmes cabine. Donc, on est sur les mêmes principes. Et ensuite, on est sur une avionique très similaire à celle de l'avion pour le pilotage du véhicule à l'intérieur. Après, concernant les moteurs, comme l'a dit Monsieur Tréglaudet, on est sur des moteurs linéaires. C'est des principes similaires, notamment il y a certains, le train qui relie l'aéroport de Vancouver au centre-ville de Vancouver est équipé de ce type de moteur. Et donc on travaille aujourd'hui à l'adapter pour qu'il fonctionne dans un environnement à faible pression. Voilà, et ces moteurs-là sont sur le véhicule et on tire avantage en fait du tube métallique. Les tubes sont en métal pour la partie magnétique, notamment pour la propulsion et la lévitation. Bon, voilà, c'est un peu la vue globale de comment ça fonctionne. J'ai entendu un mot, mais alors je veux bien, peut-être que j'ai mal entendu. Vous avez parlé d'essence. Il y a un moteur à essence? Non, pas du tout. Non, il y en a pas. Non, il y a pas de. Non, c'est bien ça. C'est pour ça que j'étais surpris. Donc. C'est des systèmes 100% électriques. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu d'essence tout à l'heure. J'ai eu l'impression que vous parliez d'essence. Peu importe. Autant pour moi. Non, oui, j'ai évoqué ça pour dire on peut pas se permettre d'avoir de l'essence dans le véhicule. Okay. Donc il faut être capable de transmettre suffisamment d'énergie électrique dans chaque véhicule en continu. C'est là aussi une des grandes différences par rapport au document Alpha qui préconisait un système de propulsion discontinu, notamment pour réduire les coûts d'infrastructure. Le seul problème d'un système discontinu, c'est-à-dire que si vous avez un arrêt de ligne, comme ce qui peut arriver dans le métro de temps en temps, et qu'ensuite il faut redémarrer, mais si les véhicules sont pas parfaitement alignés, vous avez un certain problème pour redémarrer. Donc il vous faut absolument... un système continu de transmission d'énergie pour avoir un niveau opérationnel correct. Hervé de Tréglaudet, aujourd'hui, effectivement, comme vient de le dire Sébastien Gendron, depuis le livre blanc d'Elon Musk de 2013, il y a eu de la recherche qui a été faite. Ce livre blanc, il est effectivement un peu dépassé aujourd'hui. En tout cas, la recherche est allée plus loin, à proposer des systèmes, à améliorer très nettement les propositions originelles. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui restent encore à lever? On rappelle que donc dans l'hyperloop, le tube, ça doit être du vide, d'où les questions de pression, de pressurisation et de dépressurisation. Reste se pose des questions sur la capacité d'accélération et la façon dont c'est ressenti à l'intérieur des cabines. Il y a tout un certain nombre de problèmes qui restent encore à résoudre. Oui, parce que ce que je vois, c'est que ça vient d'être abordé un peu. Le problème numéro un, je le mettrai en avant, c'est la sécurité, bien sûr. C'est ce qui impressionne toujours ceux qui se penchent un peu sur cette question. C'est les freinages, par exemple, freinage d'urgence. Quelle distance faut-il? On parle d'une dizaine de kilomètres ou plus, ce qui a des conséquences sur l'espacement entre les pods, entre les mobiles. Qu'est-ce qui se passe en cas de dépressurisation? On vient d'en être question un petit peu. Bon, c'est le problème des accidents qui peut survenir, des attentats aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on secourt également les voyageurs malades? Alors la réponse que l'on voit dans Hyperloop Alpha, c'est bon, comme le voyage est court, le malade il attendra d'être arrivé. Deuxième question. Aujourd'hui, on parle de portes d'évacuation tous les 1,2 km. Oui, voilà, on commence à parler de ça. Deuxième question, là où j'ai pas lu beaucoup de choses, du moins dans les documents publics, c'est les gares. Comment ça fonctionne? Parce qu'à un moment donné, on est à l'air libre, donc il faut passer d'une pression extrêmement basse, 1 millième d'atmosphère, à une pression normale. Donc il y a forcément des sas. Bon, c'est quand même relativement compliqué. Comment ça fonctionne? À quel coût? Parce que tout ça est assez cher. Oui. Bah, Sébastien Gendron, j'en profite. Comment ça se passe justement les sas pour passer de ces tubes qui sont quasiment dans le vide, puisqu'on est effectivement, comme vient de le dire Hervé Tréglaudet, à 1 millième d'atmosphère, à 1 atmosphère, c'est-à-dire à la pression normale? On l'a évoqué là, on fait appel à des sas de pressurisation et de dépressurisation. Ça fait partie des tests notamment qu'il faut que l'on fasse, qui doivent être effectués à Limoges. Notamment pour confirmer les performances industrielles des pompes à vide. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est mature, qui est essentiellement fabriquée qui existe essentiellement en Allemagne. Les fabricants de pompes sont assez confiants là-dessus. Pour avoir un débit suffisamment intéressant, en fait, il faut que le pompage et la mise en pression de ces sas se fasse quand même assez rapidement, de l'ordre de la minute ou pas plus de 2-3 minutes, sinon c'est pas intéressant, quoi. Donc ça fait partie des essais à faire. Après, pour revenir sur la sécurité, c'est clairement un des aspects les plus importants. On reprend énormément de standards qui existent. Ensuite, par contre, je mettrais juste je vais pas dire un bémol, mais une petite touche d'optimiste par rapport à ça. On est quand même sur un transport guidé, qui est protégé des aléas climatiques. Donc on est sur un système qui est théoriquement censé être plus sûr, ne serait-ce que l'avion. Et aujourd'hui, on se déplace déjà en avion à ces vitesses-là et on a un système assez strict pour encadrer la partie réglementaire et sécurisée de tous ces engins-là. Et aujourd'hui, on a commencé à travailler avec l'Europe sur le sujet. Vous avez une réunion le 24 mai à Bruxelles, je crois d'ailleurs. Oui, c'est la troisième. Si je peux me permettre, c'est aujourd'hui la seule institution au monde qui prend le leadership là-dessus. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Les Américains ont commencé, ont suivi juste derrière avec la mise en place d'un comité technique. Le Canada réfléchit encore sur le sujet. Donc aujourd'hui, l'Europe répond, enfin en tout cas, respecte son mandat de regarder de près les aspects réglementaires par rapport à ça. Et énormément de pays européens ont d'ailleurs répondu positivement à l'appel. Ce qui est plutôt une très bonne chose. C'est constructif, ça va dans le bon sens. un mot encore peut-être rapidement sur les questions de sécurité. Alors c'est vrai que on en parle beaucoup parce que évidemment, comme dans l'aviation, l'objectif c'est d'arriver à zéro mort par an le plus longtemps possible. Mais évidemment, quand on est à ces vitesses-là, dans ces conditions-là de vide et de technologie, le moindre petit grain dans le rouage et l'accident est cataclysmique ou en tout cas extrêmement impressionnant, comme ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec le Maglev en 2006 en Allemagne. Oui, après, je pense qu'il n'est pas plus cataclysmique quand vous avez un avion qui se crache. Bien sûr, c'est de la même ampleur en tout cas. Ouais, on est sur de la même ampleur, on est sur du transport à grande vitesse où il faut assurer un niveau de sécurité optimal, ça c'est clair. Et on travaille pour répondre à l'ensemble de ces critères-là, que ce soit au niveau de la dépressurisation, de l'évacuation des passagers. Vous aviez évoqué 1,2 km, mais nous on avait même une contrainte un peu plus importante. On était sur tous les 700 mètres. Après il y a des débats. Typiquement, si on suit à la lettre la réglementation en vigueur aujourd'hui sur les infrastructures, on nous demande d'avoir une cage d'escalier complète avec éventuellement même un ascenseur pour pouvoir permettre aux passagers handicapés d'être évacués. Là, sur les débats sur lesquels on va discuter, ou on va dire débattre, si je peux me permettre, avec l'Union européenne, c'est de savoir aujourd'hui est-ce qu'on peut pas avoir des systèmes similaires à ce qu'on a sur les avions avec des toboggans par exemple, notamment pour des infrastructures aériennes. Aujourd'hui, on ne demande pas à un brancardier de monter dans un avion, mais Airbus et Boeing en fait ont des contraintes de pouvoir démontrer l'évacuation d'un appareil en 90 secondes. D'être intelligent pour permettre aussi d'avoir des coûts d'infrastructure qui soient acceptables et de voir si on peut pas avoir des toboggans tous les 700 mètres plutôt que des cages d'escalier. Ça fait partie des critères de sécurité sur lesquels il va falloir discuter et statuer. Et des toboggans ou des escaliers, puisqu'il faut rappeler que dans la majeure partie des configurations actuelles, Hyperloop est en altitude sur des pylônes et non pas enterré vraisemblablement, Sébastien Landron. En tant que... Pas posé au sol, en tout cas, vraisemblablement. Ça, c'est sûr. Non, même pas. Pardon ? Je disais pas posé au sol, en tout cas. Si ? Non, ils sont pas... Ils peuvent, en fonction... Alors, tout dépend de la géographie de la ligne. On aura un mix de configuration en tunnel, potentiellement au sol, voire sur pylône. Concernant la configuration sur pylône et connaissant un petit peu la sensibilité des Européens par rapport à l'environnement et même à l'aspect pollution visuelle, je serais plutôt partant d'avoir des configurations enterrées, ne serait-ce que pour l'Europe. Après, il y a certaines régions du monde, que ce soit au Moyen-Orient ou même ici au Canada, en Alberta, ils ont déjà des pipelines et ils sont culturellement moins sensibles que nous sur l'aspect visuel. Oui, effectivement, ce sera des configurations aériennes. Thank you. Train from Kansas City des Shangri-La sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de train, non pas de Kansas City, mais du train du futur, de l'Hyperloop. Nous en parlons avec Sébastien Gendron, qui est avec nous en ligne depuis Toronto et qui est cofondateur de la société Transpod, qui est l'une des trois grandes sociétés start-up qui travaillent donc sur ces modèles d'Hyperloop, et avec Hervé de Tréglaudet, qui est avec nous ici à la Maison de la Radio à Paris et qui est ingénieur général des mines, honoraire et ex-directeur général adjoint du réseau ferré de France. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Sébastien Gendron, les chantiers qui sont en cours de développement à Limoges. Nous avons eu la chance, le privilège et l'honneur d'aller y jeter un œil. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à quoi ressemblent ces chantiers de l'Hyperloop à Limoges que vous avez eu la chance de visiter? Je me suis en fait plus précisément rendu à l'Institut de recherche sur les céramiques, l'IRCER, où des chercheurs commencent déjà à plancher sur les développements de matériaux qui pourront permettre à l'Hyperloop de fonctionner. Et un des enjeux majeurs, c'est que la capsule puisse recevoir l'énergie importante qui lui permettra de circuler. Alors pour ça, Vincent Rat, qui est directeur de recherche CNRS à l'IRCER, et son équipe étudie des arcs de plasma électrique comme source d'énergie potentielle pour l'Hyperloop de Transpod. Grâce à leur expertise en termes de développement de matériaux pour l'aéronautique notamment, les équipes de l'IRCER se préparent également à utiliser ces plasmas pour fabriquer des revêtements en céramique qui pourront résister aux conditions très complexes de circulation de la capsule Hyperloop. Le plasma, c'est souvent ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Donc solide, liquide, gaz. Et lorsque l'on chauffe un gaz à très haute température, on va fabriquer l'état plasma. Un plasma, c'est un gaz ionisé qui va contenir donc, des électrons susceptibles de se déplacer librement, des ions, des molécules, des atomes, et puis également de la lumière, donc des photons. Donc il existe différentes catégories de plasma, des plasmas chauds, des plasmas froids. Donc un plasma chaud, on peut citer par exemple le soleil. Et dans les plasmas froids, on peut citer comme plasma naturel les éclairs, les aurores boréales. Et les plasmas, on s'en sert de différentes manières. Il y a des applications plasma qui permettent par exemple de stériliser, qui permettent dans des recherches associées à la médecine de traiter par exemple des problèmes dermatologiques. Mais il existe également des plasmas qui permettent de fondre des matériaux réfractaires, de découper, de souder. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes types de plasmas. Les arcs électriques, c'est une catégorie particulière des plasmas qui sont caractérisés par un fort courant de quelques dizaines d'ampères à quelques dizaines de milliers d'ampères et qui sont portés à très haute température, à 10 000 degrés. Pourquoi est-ce que du coup la société Transpod vous a sollicité pour mener des recherches en amont qui impliqueraient justement l'utilisation de ces arcs de plasma dans le cadre de leur développement? La problématique de Hyperloop, et particulièrement de la technologie, du choix technologique de Transpod, c'est d'alimenter électriquement la capsule. Le problème qu'il faut se poser, c'est comment on alimente électriquement une capsule qui contient quelques dizaines de personnes et qui se déplace à 1000 km/h. Donc il y a plusieurs manières de faire. Une solution, ça peut être un contact glissant entre un rail qui lui est fixe et la capsule qui elle se déplace. Alors c'est par exemple des technos comme le train par exemple, hein, où on a un pantographe associé à la locomotive et qui glisse sur la caténaire. Et puis il y a l'autre exemple, tout simple, c'est les autotamponneuses. Donc on a cette tige là qui est en contact avec la grille au-dessus de nos têtes et puis qui alimente la voiture. Alors, on a tous pu voir un jour qu'il y a des étincelles. Ça intervient parce que il y a une perte de contact entre donc la grille et puis la tige. Et donc on fait un petit plasma, une petite étincelle, un petit arc électrique. Alors c'est pas un problème, je dirais, pour les autotamponneuses, mais ça peut être plus gênant pour les trains. Et donc le choix technologique de Transpod, justement, ça a été d'ouvrir les contacts et de maintenir une certaine distance entre le contact électrique qui est lié à la capsule qui se déplace et le rail. Donc on va fabriquer un arc électrique entre la capsule et un troisième rail qui serait fixé sur le tube en acier. Un enjeu particulier du système, c'est d'arriver à contrôler la stabilité de ce plasma-là. Parce qu'un arc électrique est un être un peu capricieux, il a tendance à faire un peu ce qu'il veut, à réduire ses distances d'accrochage et à réamorcer un peu comme il veut. Alors heureusement pour nous, on sera plutôt sur des pressions réduites, qui va permettre de limiter un certain nombre de soucis, et éviter, par exemple, comme une bougie, lorsque vous soufflez sur une bougie, eh bien, la flamme se déplace. L'arc, c'est un peu pareil, c'est pas exactement les mêmes phénomènes qui interviennent, mais c'est la même idée. Donc, on peut arriver à maîtriser l'accrochage de l'arc électrique. Il faudra faire un certain nombre de revêtements isolants électriques à proximité des électrodes. Et c'est là qu'interviennent aussi les compétences de notre laboratoire. Donc ici, vous avez des gens qui travaillent plutôt sur la partie amont, la partie arc électrique, contrôle de l'arc, mesure, modélisation de l'arc. Et puis, des gens qui se focalisent sur le procédé. En fait, c'est ce qu'on appelle le génie des procédés, hein. C'est-à-dire qu'on combine les différentes disciplines, hein, que peuvent être la physique des plasmas, que peuvent être la science des matériaux, par exemple, des diagnostics, des modélisations pointues, pour arriver à maîtriser un procédé et répondre à un cahier des charges précis. Bonjour, Simon Goutier, qui est maître de conférence à l'Université de Limoges. Là, c'est tout ce qui est dans cette partie-là, on va projeter sur des composites. Donc là, c'est plus le secteur aéronautique. Finalement, on a tout un système de torches à plasma qui nous permet de fondre nos particules en vol. Et donc, grâce à cette fusion en vol, on va pouvoir recouvrir une surface, un peu comme si on faisait une peinture à haute température. Donc, sauf que là, les particules vont solidifier sur la surface et vont former un dépôt avec des propriétés qui vont dépendre des conditions de tir et des propriétés du matériau. Quelle phase de test, pour l'instant, vous envisagez pour vos matériaux qui seront utiles pour l'hyperloop de Transpod ? Alors, effectivement, la modélisation est un point incontournable. Essayer de modéliser le système qui correspond aux conditions réelles est un challenge. Et un point incontournable, et donc on a les compétences ici pour le faire, on va s'y atteler. D'un point de vue expérimental, on va développer des manips à échelle plus réduite. D'abord pour valider les simulations que l'on peut faire en laboratoire, et ensuite on pourra extrapoler les résultats, les codes, sur la géométrie réelle qui va correspondre à la géométrie du centre d'essai qui sera installé à Drou, à côté de Limoges. Voilà, cette technologie d'arc électrique peut être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Sébastien Landron. Non, je vous remercie d'avoir fait ce reportage-là. On vous remercie de nous avoir accueillis, c'était passionnant. Ouais. Non, mais vraiment. Et parce que ça fait longtemps qu'on garde ça un petit peu sous le coude, le temps que les brevets soient publics et enregistrés, etc. Parce que c'est un petit peu notre avantage concurrentiel aujourd'hui, cet aspect-là. Et je dois dire que dès le début, voilà, on a eu le soutien de l'Université de Limoges et de son président pour travailler là-dessus. Après, juste un mot pour remettre à César ce qui appartient à César. Tout ça, je dois aujourd'hui à mon associé, donc est un chercheur brillant de l'Université de Toronto, qui s'appelle Ryan Jensen. Et voilà, ça fait partie un petit peu de toute la suite existante de propriété intellectuelle autour de ce que l'on développe à date. Hervé de Tréglodé, peut-être un mot. Alors pour revenir, il nous reste pas énormément de temps, un petit quart d'heure pour conclure, avant de conclure cette émission. J'aimerais qu'on parle aussi tout de même de ces questions de vitesse, parce que ce qui est vendu sur le papier par le livre blanc d'Elon Musk, ce sont des pointes un tout petit peu en dessous de la vitesse du son, c'est-à-dire à 1200 km/h, en tout cas pas des pointes, une vitesse de croisière, hein, à 1200 km/h. Aujourd'hui, on en est loin, on est à un tiers de ça pour les quelques essais qu'on a pu faire. On monte à 350-400 km/h. Quel est le gap, quelle est la frontière là qui se oui, passe pas bien? Oui, évidemment, vous le laissez entendre, il y a une énorme différence entre circuler à 300 ou à 400 km/h, parce que ça on le fait depuis longtemps, et puis rouler à 1000, entre 1000 et 1200, puisque je regardais à nouveau toutes les déclarations des différentes start-up, des différentes entreprises qui travaillent, et toutes pour l'instant restent sur cet objectif, c'est-à-dire entre 1000 et 1200. Il y a une énorme différence entre les deux, ça n'a rien à voir. Bon, ça ne veut pas dire que les essais à 300 ou à 400 sont inutiles, parce qu'on teste d'autres aspects du projet. Mais il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire pour effectivement assister à une véritable expérimentation, c'est-à-dire quelque chose qui se ferait à très haute vitesse sous vide. Sébastien Gendron, quel est le problème, quel est l'obstacle pour franchir ce saut de 2 à 3 fois supérieur aux essais? Alors déjà il y a une contrainte majeure aujourd'hui, c'est déjà la distance disponible sur les pistes d'essai. Sur les pistes d'essai. Donc nos concurrents au Nevada là ont 500 mètres, donc avec 500 mètres c'est quand même difficile, même si on charge à bloc le système avec des accélérations importante. On n'atteindra pas 1200 km/h. Même nous, de notre côté, avec 3 km à Limoges, on prévoit d'atteindre 600 km/h. On n'ira pas jusqu'à 1002. On n'a pas assez, on n'a pas assez de distance. Il faudra attendre. On travaille sur des projets de pistes d'essai à échelle 1, avec un minimum de 10 km de distance pour pouvoir commencer à espérer atteindre ces vitesses-là. Ensuite, une des contraintes nous qu'on a identifiées en amont, c'est plutôt des effets secondaires sur les moteurs électromagnétiques. On sait que ça se fait sur les moteurs linéaires. Ça a déjà été testé jusqu'à 600 km/h, donc on est assez confiant d'atteindre ces vitesses-là. Ensuite, c'est un petit peu l'inconnu après 600 km/h. On a quelques simulations qui montrent des résultats intéressants. Mais je sais qu'en c'est en faisant des essais qu'on pourra confirmer tout ça. L'autre question qui se pose, c'est celle que vous évoquiez au début, Sébastien Landron, que Hervé Tréglaudet évoquait également, qui est la question du modèle économique de cette Hyperloop et puis de son insertion dans le réseau de transport existant, puisque on l'entend, ça demande des infrastructures particulières. Ces infrastructures-là, on va peut-être avoir du mal à les faire arriver jusqu'au centre-ville. Comment est-ce que ça commute avec le reste des infrastructures de transport? Et puis surtout, quel débit de passagers? C'est l'un des grand point d'interrogation, Hervé Tréglaudet, puisque pour le TGV, pour les lignes à grande vitesse, on parle de 12 000 personnes-heure et avec peut-être réussir à monter à 15 000 dans les années qui viennent. Hyperloop, si on met 40 personnes toutes les 30 secondes, on atteint difficilement 4 800 personnes par heure. C'est peu, c'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette cet obstacle-là? Évidemment, c'est l'objection majeure qu'on peut opposer à Hyperloop. C'est la même objection qu'on opposait à l'aérotrain de Bertin, c'est-à-dire la non-interopérabilité. Bon, le chemin de fer, son gros avantage, c'est qu'on a conçu des lignes à grande vitesse qui sont totalement interopérables avec le reste du réseau. Donc un train à grande vitesse peut aller à peu près n'importe où. Il roule à 300 ou 320 là où il peut rouler à 300-320. Il roule à 100 km/h là où il ne peut rouler qu'à 100 km/h. Donc c'est extrêmement pratique. Très souple, on le fait partout. Alors, évidemment, tout autre mode terrestre, guidé, rencontrera cette difficulté. Alors, la deuxième difficulté, vous l'avez mentionné, c'est le débit. Alors, train à grande vitesse entre Paris et Lyon, donc on est en ce moment en train de préparer une modernisation de l'infrastructure avec le système européen ERTMS pour porter le nombre de trains par heure et par sens de 12, 13 à 16. On peut même aller au-delà, il y a encore des pistes de progrès. On a maintenant des TGV à deux niveaux, on peut en mettre deux, ce qui fait une capacité supérieure à 1000 voyageurs, donc on a vraiment de grosses infrastructures. Donc c'est évidemment un gros atout du chemin de fer, mais j'ai noté que des entreprises comme Transpod l'ont bien compris. D'ailleurs, je relisais il y a deux, trois jours ce que vous avez écrit, M. Gendron, sur votre site, que j'approuve tout à fait, qui montre bien que Hyperloop n'a pas vocation à attaquer ses concurrents là où ils sont les meilleurs. Je dirais ça pour simplifier, quoi. Sébastien Gendron, sur ces deux questions de l'interopérabilité et du débit de passagers. Alors, déjà, oui, pour répondre à Monsieur Tréglaudet, oui, vous avez raison. On n'ira pas concurrencer le TGV sur des lignes, par exemple Paris-Bruxelles ou Paris-Marseille, qui sont aujourd'hui les plus rentables, je pense, pour la SNCF. Concernant ils sont les seuls rentables d'ailleurs, pour dire la vérité. Ouais, et voilà, encore. Donc, je crois qu'il n'y a que Paris-Lyon qui est rentable. Concernant justement ce système ou ce débat fréquence versus capacité. Notre objectif, c'est de maximiser au maximum le modèle économique, c'est-à-dire le taux de remplissage de la ligne. Il faut que ce soit plein à 100%. Un petit peu, comme un 320 chez EasyJet qui est utilisé, je crois que c'est 16 à 18 heures par jour, l'avion vole tout le temps. Donc c'est de s'assurer que la ligne soit pleine. Et pour s'assurer que la ligne soit pleine, en fait, c'est de mélanger dans le tube, en fait, à la fois des capsules qui transportent des passagers et des capsules qui transportent du fret. Les premières lignes seront d'ailleurs sûrement du fret. C'est une analogie d'ailleurs intéressante avec l'avènement des réseaux ferrés au début du siècle dernier, etc. c'était d'abord du fret. Et quand je dis du fret, par contre, c'est tout ce qui est sensible au temps, donc tout ce qui est commerce en ligne ou la nourriture, on prévoit pas de transporter une tonne de fer. Donc déjà, voilà, d'avoir, par exemple, pendant les heures creuses ou la nuit, des capsules de fret, et pendant les heures de pointe, des passagers, déjà pour rentabiliser au maximum ces lignes-là. Un mot, ensuite, Sébastien Jean-Laurent, pardon, je vous interromps, ouais, parce qu'il nous reste très très peu de temps, j'aimerais juste vous entendre sur une question précise qui est finalement, vous concurrencez pas la SNCF sur les lignes qui sont les plus rentables, ou en tout cas qui fonctionnent le mieux, Paris-Bruxelles, Paris-Lyon, Paris-Marseille, vous pouvez pas concurrencer l'avion non plus sur les lignes à grande distance, donc finalement quel est le marché aujourd'hui de l'Hyperloop, quel est le type de ligne que vous pouvez prévoir exploiter? Ah, par contre, non, pour répondre à votre question, on sera un concurrent direct de l'avion sur des lignes, on va dire, du type Paris-Toulouse, quoi. Ce que le TGV a fait, par exemple, entre Paris et Bruxelles, et ou même Paris-Strasbourg, où il y a quasiment plus de vols, notre objectif, c'est d'élargir ça et de répondre également aux engagements que l'on a pris pour la réduction des gaz à effet de serre et de contenir l'augmentation du trafic aérien, quoi. On n'ira pas concurrencer l'avion parce qu'il va continuer de croître et on remplacera pas l'avion, mais sur toutes ces lignes-là, que ce soit Paris-Toulouse, que ce soit Paris-Berlin, Paris-Francfort, toutes ces lignes-là où il y a énormément de trafic aérien, on peut vraiment augmenter et confirmer ce que le TGV a déjà fait sur des lignes à plus courte distance, en fait. Hervé Tréglaudet, en un mot, vous pensez que c'est des perspectives économiques réalistes, ce type de ligne intermédiaire, c'est-à-dire ni trop loin, ni trop près, ni concurrencer directement les lignes de la SNCF, mais en revanche prendre la place de l'avion sur des lignes de moyen courrier? J'aurais du mal à répondre à votre question parce que tout dépend de savoir si on va pouvoir relever les défis technologiques dont on a parlé. Ça me paraît tout à fait fondamental, quoi. Si on ne peut les relever qu'en desserrant encore un peu plus les contraintes d'Hyperloop Alpha, auquel cas le problème va se poser différemment. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment dans l'incapacité de savoir. Comme l'a dit Sébastien Gendron, par exemple, le problème du coût. Hein, s'il faut qu'on arrive à un coût acceptable. Si le coût reste très élevé, encore plus élevé si les tubes sont souterrains, à ce moment-là, on peut se demander sur quel itinéraire ce sera envisageable. Voilà, une question qui reste en suspens, mais il est déjà 16h53 et comme tout le mercredi, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Loisy. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes doctorante en quatrième année de thèse au sein de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain de l'École des hautes études en sciences sociales et au Centre d'anthropologie culturelle de l'Université Paris-Descartes. Vous travaillez sur la place des habitants dans l'expérience touristique, l'ethnographie d'une cohabitation complexe à Paris. Bienvenue à la recherche montre en main. On écoute vos travaux. Merci. Alors, avant d'accueillir demain peut-être un groupe de touristes indiens débarquant d'un hyperloop dans une gare du Grand Paris, audacieusement baptisé Elon Musk, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe aujourd'hui les acteurs du tourisme dans la capitale et auquel je consacre mes recherches doctorales. Donc depuis les années 2010, plusieurs villes européennes connaissent des épisodes saisonniers de tensions anti-touristes. C'est notamment le cas à Barcelone, à Venise ou à Lisbonne, où des habitants pointent du doigt ce qu'ils considèrent comme des conséquences de la surfréquentation et d'une saturation touristique de leur quartier. Aux nuisances sonores s'ajoute la disparition des commerces de proximité au profit des vendeurs de souvenirs ou de chaînes de boutiques, ou encore l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est ainsi que des manifestations s'organisent et que des conflits voient s'opposer touristes et résidents permanents. Alors en attendant de trouver d'autres solutions, certaines villes comme Dubrovnik en Croatie ou le parc de Sainte-Terre en Italie se sont dotées de dispositifs de comptage pour éviter de trop fortes concentrations de visiteurs. Bien que Paris soit épargné par les manifestations publiques d'opposition au tourisme, c'est dans ce contexte que mon travail de recherche s'est mis en place dans la capitale autour d'une double interrogation. Quels sont les enjeux de la cohabitation entre les visiteurs et les visités sur ce territoire et quelle place occupent les habitants dans l'échiquier touristique parisien? Alors, en effet, parallèlement à ces aspects conflictuels, la ville de Paris lance en 2014 la rédaction du schéma de développement touristique 2017-2022. Ce document prévoit, parmi les 59 actions de son plan, de favoriser les rencontres entre habitants et visiteurs et le développement d'activités faisant découvrir le Paris des Parisiens. C'est aussi dans ce contexte que se développe de façon tout aussi marquée un marché autour d'activités touristiques dites participatives, favorisant une mise en scène complexe, tantôt physique, tantôt symbolique des habitants. Alors, d'un point de vue méthodologique, mes recherches se sont donc appuyées sur une enquête par observation participante au sein même de la mairie de Paris, des organes techniques et politiques, dans le cadre d'opérations de contrôle des meublés de tourisme, qui concernent notamment les fameux Airbnb, mais aussi en participant à des activités, principalement des balades urbaines encadrées par des habitants. Alors, à ces longues heures passées à arpenter les rues et les immeubles de la capitale et de la proche banlieue, se sont ajoutés une cinquantaine d'entretiens auprès d'habitants, mais aussi des professionnels du tourisme, des politiques ou des représentants associatifs. Et il est important de le rappeler, mon travail de thèse n'objective pas la mise en valeur de l'habitant sur les scènes touristiques. Il est ici directement porté par l'enjeu de compréhension des pratiques. En résumé, à partir de ce corpus, je m'intéresse donc aux stratégies d'adaptation des Parisiens à la présence touristique dans leur ville, qu'elles soient considérées comme négatives ou positives. Car Paris figure comme une des destinations phares du tourisme international. La fréquentation de ces sites et monuments majeurs ne se dément pas, mais il faut savoir qu'à Paris, près de 80% des touristes sont des repeaters, c'est-à-dire qu'ils sont déjà venus dans la capitale il y a moins de 5 ans. Ces chiffres peuvent en partie expliquer l'engouement des touristes à vouloir vivre comme des locaux, à essayer de se fondre autant que possible dans les quartiers et à se rapprocher des habitants. Mais c'est aussi le signe d'un changement profond des pratiques touristiques et les professionnels n'ont pas mis longtemps à comprendre l'intérêt de mettre en scène les habitants. Or, la participation de ces derniers résulte aussi d'une touristification spontanée sur le territoire parisien à travers leur engagement dans l'accueil, l'orientation, l'hébergement ou le guidage. L'observation des pratiques, des représentations et des productions matérielles et symboliques a permis de mettre en lumière des activités et des services tournés vers une quête d'expérience dite authentique de la destination. Ma réflexion consiste alors à analyser cette mise en scène habitante à Paris et en proche banlieue. Quels sont les rôles joués et les places adoptées par les habitants dans les activités touristiques sur leur territoire? Que se cache-t-il derrière ces expériences dites authentiques? Que révèle la touristification de l'ordinaire et du quotidien des habitants? Et en donnant à voir leur propre mode de vie et leur quartier, quelles images les habitants guides amateurs façonnent-ils de l'autre, c'est-à-dire d'eux-mêmes? Pour conclure, mes recherches devraient, je l'espère, participer à l'enrichissement des réflexions consacrées à une anthropologie contemporaine des phénomènes touristiques en répondant à cette question. Le tourisme peut-il s'inscrire dans la quotidienneté et quelles expériences de l'ordinaire peut-il offrir ? Merci beaucoup Marine Loisy pour cette présentation. Merci beaucoup, vous êtes applaudi par Hervé Tréglaudet que je remercie par la même occasion. Merci beaucoup à Sébastien Gendron d'avoir été avec nous en ligne depuis Toronto pour cette émission que vous pouvez comme d'habitude réécouter sur franceculture.fr ou en podcast. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était YouTube Diego Aclopez aujourd'hui à la technique. Et bien dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous nous demanderons si au vu de ces émissions qui font la promotion de l'ignorance et de l'imbécilité, au vu de nos élites que l'on dit moins cultivées et plus vulgaires qu'avant, sans parler évidemment des journalistes dont le niveau ne cesse de chuter, nous nous demanderons donc si nous sommes collectivement passés sous le régime de l'idiocratie demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.